menti, mais y'en a beaucoup qui m'ont menti. On n'est pas tous les mêmes, je l'ai vu quand j'ai grandi. J'suis ailleurs, j'te garantis. Les BDH, moi j'suis anti. Et pour pas win, j'arrive en TN. J'chante pas joli au mariage attenti. Ça barre dans l'ex en bandit. Dans les patates de la ganja. Là j'ai grave la tête en chantier. J'veux rentrer, sorti moi comme un ninja. J'ai fait de la musique mon métier. J'ai mis les cartes dans les tuyaux. Je sais pas fumer devant les petits, je m'enroule un, je sais que fumer tu. Ça s'affole dès que ça va être cul. Ça s'alcoolise avec du grand cru. Informe-toi sur ma carrière. Jamais ça pourrait vaincu. Oh Baptiste, fais pas le con. Marseille c'est chaud, c'est raquette, pickpocket. C'est pire qu'à Phuket. Y'a des bêtes qui tournent, c'est des lance-roquettes. Au fait, y'a des fils de cavant, des enquêtes. Les garons ils s'inquiètent. Ça sonne avec des pets sous la banquette. L'hiver en RS, c'est l'été en jet. Ça se casse la tête, ça boit des one-shots. J'ai l'impression que c'est plus en traite. 5 milliards sur Spotify. Y'a des moulas qui m'identifient. Et la grand-mère au vélodrome, elle est venue danser avec son petit-fils. Sûrement on dit ça, on dit si. On s'en fout de la mode ici. J'aime faire monter l'adrénaline. Chaque gamme, moi j'ai le mot. Oh Baptiste, fais pas le camp. Aïe, Gabidou, j'ai pas le temps. Oh Baptiste, fais pas le camp.